de t'avoir aimé, aimé comme un fou, aimé à genoux, bien plus que debout, à n'en plus dormir, à n'en plus manger. Que me reste-t-il de t'avoir aimé? T'avoir aimé de larmes et des yeux, à en oublier jusqu'au nom de Dieu, pour ne plus avoir qu'un nom à crier. Que me reste-t-il de t'avoir aimé? Reste que ma voix sans écho soudain. Reste que mes doigts qui n'agrippent rien. Reste que ma peau qui cherche tes mains. Et surtout la peur de t'aimer encore demain, presque mort. T'avoir aimé, aimé de douleur, à m'en déchirer le ventre et le cœur, jusqu'à mourir, jusqu'à m'en damner. Que me reste-t-il de t'avoir aimé? Ne me reste plus qu'un amour que tu viens d'écarter.